Bar Le Sacrilège de l'Intermarché Saint-Roch, premieracte.ca. 89.1 CKRL Québec. Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25 $, participez au développement culturel de votre radio favorite. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. Parce que nous sommes La Barberie. Pire ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes La Barberie. India Pale Ale, Stout Impérial, cuivré ou thé, brasse camarade. La Barberie, parce que nous sommes différents. Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical. Pour la plupart de l'émission, on fera un petit choix commun là, pour la fin et pour la dernière demi-heure. Et Bruno nous a préparé un choix, comme d'habitude, beaucoup de nouveautés dans le rock progressif, quelques groupes qui ont marqué les quelques dernières années. Des fois, on revient un peu en arrière aussi avec des groupes des années 90 et parfois même des années 70, alors en fin d'émission, souvent pour faire un pont avec l'émission L'Autoroute qui joue plus dans les années 70. C'est sûr que nous, dans le rock progressif, on est pas mal amateurs du son 70, même avec nos nouveautés. On va débuter ce soir avec un extrait du projet Purgatorio. Dante's Purgatorio, c'est le Divine Comedy Part 2. Alors, c'est des projets qui comprennent 4 CD chacun. Donc, 3 comme ça. Il y a l'Inferno, le Purgatorio et le Paradiso. Donc, ça, c'est le deuxième de 3. Et il y a sur ça la contribution d'un groupe vénézuélien, Equilibrio Vital. On débutera avec la pièce Juicio Final de ce groupe. Et on va poursuivre avec le groupe japonais The Earth Explorer, tiré de leur second album Trans Europe Expression, avec la pièce Gord. Et on terminera ce premier bloc, cette première demi-heure, avec Arachnames. C'est un groupe de l'Italie tiré de Love Hate Round Trip, leur second album, et la pièce Outcast. Alors on y va avec un beau bloc musical. On vous souhaite des bons moments en notre compagnie, en musique. On y va avec donc Equilibrio Vital. Thank you. Rocky Maine. As you know, this is like here. Two time. To the next one, Kizu, I can have time. Oh, what's in the game, you know, right? It's gone in the spiel again, I told you. We'll be right back.

So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. Parce que nous sommes La Barberie. Parce que nous sommes Parce que nous sommes Parce que nous sommes La Barberie. Parce que nous sommes différents. Parce que nous sommes différents. Parce que nous aimons le rock progressif à l'émission Terra Incognita. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Arecnames, un groupe italien. Et c'était un extrait de l'album Love Hate Round Trip et c'était la pièce Outcast. On avait eu T et Equilibrio Vital dans le premier bloc. Alors cette émission se poursuit avec un autre bloc de trois pièces. Il y a Glasshammer pour débuter et le plus récent album Corcordium. On écoutera la pièce She a Lovely Tower. Ça sera suivi de Majestic tiré de Ataraxia, le quatrième album, donc l'avant-dernier. La pièce Altered State et on terminera ça avec Half Past Four. C'est un groupe de Toronto avec leur excellent album, premier album Rabbit in the Vestibule. La pièce Lullaby. Alors, c'est un choix musical de Bruno, et c'est Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous pour l'émission Terra Incognita. On est avec vous jusqu'à minuit. hides in the shadows of her mind. Haunting the halls of memory, the ghost of all regretting. Legend tells that the sea holds no memory. A distant island she came to be. No rest for her was found. But there came his voice, a sound carried on the sea. Calling her onward to dare anew and chance the blue once more. Now she, a stranded vessel on uncharted shore, yearns for his promise that lies beyond her prison door. Beckoning.

je peux prendre votre commande? Oui, je prendrai une émission de jazz avec du blues et du folk accompagné de chansons francophones. Alors, ce sera une émission de jazz avec du blues et du folk accompagné de chansons francophones. Oui, merci. Merci d'avoir choisi CKRL. Avancez sur ckrl.qc.ca. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section « Programmation ». La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous. Ici Simon Dumas, directeur artistique de Rhizome. Avec Premier Acte, je vous invite à Paracadar pour rester humain. Une collaboration Québec-Mexique alliant danse et art médiatique. Avec la poésie de Carl Lacharité et de Cristobal Barreto, les chorégraphies de Georgina Navarro, ma vidéo et l'art audio d'Éric Dorion. Une performance scénique où paroles, gestualité et images s'entrecroisent, se marient, s'alimentent l'une et l'autre. À travers la simulation des masques, il faudra vivre. Présenté au Musée de la Civilisation les 26 et 27 avril à 20h, ainsi que le 28 avril à 15h. Billets en vente sur le réseau Billettech au 643-8131. Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du bar Le Sacrilège et de CKRL 89.1. Premieracte.ca. Il faudra en arriver à un énorme acte de vivre. Un énorme acte de vivre. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25 $, favorisez le droit à l'expression. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. CKRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Half Past Four, un groupe de Toronto, et tiré de leur premier album, Rabbit in the Vestibule, la pièce Lullaby. Juste avant, il y avait eu Majestic et Glasshammer qui avaient composé ce deuxième bloc de Terra Incognita en ce 21 avril 2012. On va poursuivre avec un second extrait du Purgatorio, le projet dont je vous parlais en début d'émission. C'est distribué par la maison de disques Musea. Il y a plusieurs disques d'ailleurs qu'on fait jouer qui sont disponibles par le biais de cette maison de disques légendaire qui existe depuis plusieurs années et qui permet aux artistes peu connus de faire distribuer des albums dans différents pays. Alors c'est comme ça qu'on peut les avoir. On va donc y aller avec Key Bridge. C'est le groupe italien Key Bridge ou Key Bridge. C'est la pièce Canto 2, ou Dos, ou Do, dites-le comme vous voulez, 2. Chanson 2, c'est plus simple en français. C'est une très longue pièce, c'est rare dans ces projets-là qu'il y a des très longues pièces, mais quoi qu'il y ait eu plusieurs projets avec des très longues, maintenant il y a plusieurs projets avec plusieurs pièces courtes. Sur ces compilations-là, il y a 9 groupes par CD, c'est quand même pas mal. Alors donc on ira avec cette pièce-là et on poursuivra avec Anima Mundi, tiré de The Way, leur second disque. Anima Mundi, c'est un groupe de Cuba, c'est assez spécial, il n'y a pas beaucoup de groupes cubains qui font du progressif, et ce sera la pièce Time to Understand. Alors on y va tout de suite en musique, c'est l'émission Terra Incognita. Oh,

fire inside me speaking, my voice in front of your dark seems long, so we'll be right back.

J'aime bien boire une bonne bière de la Barberie. Et vous, quel est votre moment Barberie? Stout impérial, la sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Alors, donc, de retour avec Bruno et Marc pour la dernière demi-heure de Terra Incognita. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Anima Mundi, un groupe de Cuba, et leur second album, The Way. C'était un extrait de la première pièce intitulée Time to Understand. Alors, on va, pour le dernier bloc, on a une nouveauté ce soir. Il s'agit du nouveau disque de Peter Hamill. Peter Hamill, le leader de Vandergraaf Generator, qu'on aura peut-être la chance de voir à Québec, étant donné qu'ils sont à Montréal le 3 juillet, dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal. Et si on est chanceux, peut-être qu'ils vont nous annoncer ça bientôt. C'est donc son plus récent album. Peter Hamill fait des albums en solo depuis 1971 et c'est son 30e album de pièces originales chantées et composées. C'est plus un paquet d'expérimentations aussi qui sont sorties. Donc, Consequences, c'est le titre de ce plus récent album de Peter Hamill. Et on va écouter la pièce Scissors. Ça sera suivi de RPWL ou RPVL, étant donné que c'est allemand, le W se dit V. Et c'est l'album, le plus récent album, Beyond Man and Time. On ira avec la pièce The Ugliest Man in the World, The Ugly. Donc, un doublé, et on vous revient pour un mot de la fin et une dernière pièce francophone. Alors, on y va tout de suite avec Peter Hamill. A figure by the traffic lights, face washed out in the rain. She's here once more to make her nightly stand for love and pain. A story written on her face, reading between the lines. Still private in this public way, she's carefully designed. Her open secret, a little secret all her own. Charity, to feed and clothe her kids. She holds a card out to the drivers behind it. By the traffic lights, face washed out in the rain. She's here once more to make her nightly stand for love and pain. A story between the lines. Still private in this public way she's carefully designed. Her open secrets, a little secret all her own. Charity. To feed her, clothe her, kiss. She holds a card out, to the drivers behind it, safely hidden. between good and bad. Don't be afraid, I'm the ugliest man in the world. I know you feel sorry, too late to look the other way. Guess what has happened? I lost my disguise. I don't want your help, I don't want your pity. I'm just a mirror find. Darkness surrounds me, I'm all you try to forget. So I hide in the forest, far from your show. Brave, you are